Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 6. Des deux principaux dommages que les passions font à l'âme, l'un privatif et l'autre positif, texte tiré de la Sainte Écriture qui en rapport au sujet. Il sera bon, pour l'éclaircissement de ce qui a été dit, d'expliquer ici le double préjudice causé à l'âme par ses appétits, le premier la prive de l'Esprit de Dieu, le second a pour effet de fatiguer, de tourmenter, d'obscurcir, de souiller et d'affaiblir l'âme, tant que ses passions subsistent en elle, selon la parole de Jérémie, « Mon peuple a fait de maux, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes crevassées, qui ne peuvent retenir les eaux. » Jérémie 2, 13. Ces deux maux sont causés par un seul acte de l'appétit. Évidemment, plus l'âme s'identifie par l'affection à un objet créé, moins elle a de capacité pour posséder Dieu, nous l'avons expliqué dans le chapitre 4. Deux contraires ne sauraient exister à la fois dans un même sujet, or, l'attachement à Dieu et à la créature sont deux contraires, aussi ne peuvent-ils se rencontrer dans un même cœur. Quel rapport y a-t-il entre la créature et le Créateur, entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel, entre le visible et l'invisible, entre le temporel et l'éternel, entre l'aliment céleste, pur et spirituel, et la nourriture grossière des sens, en un mot, entre le dépouillement du Christ et l'affection à quelque chose de terrestre? Dans l'ordre naturel, une forme ne peut s'appliquer à un sujet sans en avoir auparavant expulsé la forme contraire, et tant que celle-ci demeure, elle est un obstacle à l'autre, précisément à cause de leur mutuelle incompatibilité. Ainsi, l'âme captivée par l'esprit sensible et charnel ne pourra jamais recevoir en elle l'esprit purement spirituel. Notre Seigneur dit en Saint Matthieu, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens, in Matthieu 15, 26. Et dans un autre endroit il ajoute, gardez-vous bien de donner les choses saintes aux chiens, Ibidem 7, 6. Par ces paroles le divin maître compare aux enfants de Dieu ceux qui, renonçant à tous les appétits de la créature, se dispose à recevoir purement l'Esprit de Dieu, et il compare aux chiens ceux qui veulent trouver dans les créatures un aliment à leur passion. Les enfants ne sont-ils pas admis à manger à la table de leur père des mets qui lui sont servis, c'est-à-dire à se nourrir de son esprit, tandis que les chiens se contentent des miettes tombées de la table? Or, toutes les créatures sont en réalité des miettes tombées de la table du père de famille, et ceux qui cherchent leur nourriture dans les choses créées sont, à juste titre, appelés chiens. C'est à bon droit qu'on leur retire le pain des enfants, puisqu'ils ne veulent pas s'élever au-dessus des miettes des créatures, jusqu'à la table de l'esprit incréé de leur père. Aussi marchent-ils toujours affamés, et les miettes qu'ils ramassent servent plutôt à exciter leur appétit qu'à rassasier leur faim. David dit en parlant d'eux, « Ils souffriront la faim comme des chiens, et ils tourneront autour de la ville, mais s'ils ne sont point rassasiés, ils s'abandonneront alors au murmure. » Psaume 58, 15, 16. Tel est l'état déplorable de celui qui s'abandonne à ses désirs déréglés. Il vit toujours inquiet et mécontent comme un famélique. Quelle comparaison peut-on établir entre la faim qu'entretiennent toutes les créatures et le rassasiement que procure le divin esprit? L'âme ne recevra pas en elle la plénitude de Dieu, avant d'avoir étouffé d'abord la fin de ses mauvaises inclinations. Deux choses aussi opposées que la faim et le rassasiement ne pouvant se rencontrer ensemble dans le même individu, d'où il est permis de conjecturer que Dieu opère en quelque sorte une plus grande œuvre, en purifiant une âme de ses imperfections qu'en la tirant du néant. Le dérèglement des appétits et des affections oppose plus d'obstacles à l'action divine que le néant, puisque celui-ci ne résiste pas à Dieu. Comme le fait la volonté de la créature, tel est le premier dommage causé à l'âme par ses désirs désordonnés, l'opposition à l'Esprit de Dieu. Parlons maintenant du second dommage appelé positif, et des cinq principaux effets que les passions produisent en l'âme, à savoir, la fatigue, le tourment, l'obscurcissement, la souillure, et enfin l'affaiblissement. Entrons dans le détail, il est manifeste que les appétits importunent et fatiguent l'âme, ils sont semblables à ces petits enfants inquiets et mécontents, qui demandent sans cesse à leur mère tantôt une chose et tantôt une autre, sans être jamais satisfaits, comme les chercheurs de trésors se fatiguent et se lassent pour découvrir l'objet de leur convoitise. Ainsi l'âme éprouve une égale lassitude dans la poursuite de ses satisfactions, en vain elle croit les rencontrer à souhait, elle s'épuise, et ses désirs ne sont jamais rassasiés. Elle creuse des citernes crevassées, incapable de contenir l'eau qui étancherait sa soif. Fatigué, il a encore soif, et son âme est vide, dit Isaïe 29, 8. L'âme en proie à ses passions se fatigue en effet, se donne beaucoup de peine, semblable en cela à un malade atteint de la fièvre, dont la soif augmente à chaque instant, et qui ne se trouve bien nulle part jusqu'à ce que son mal l'ait quitté. Nous lisons au livre de Job qu'après s'être bien rassasié, il se trouvait à déchirer, étouffé, et toutes les douleurs s'abattront sur lui. Job 20, 22. Ne peut-on pas comparer cette âme ainsi tourmentée et livrée au désir qui la blesse et la trouble, aux îlots agités par le vent? Elle est soulevée comme eux sans pouvoir trouver nulle part un moment de repos. Isaïe disait de telles âmes, les méchants sont comme une mer agitée qui ne peut se calmer. Citation, Isaïe 57, 20. Or, celui-là est méchant qui ne sait pas vaincre ses inclinations désordonnées. Un homme affamé ouvre en vain la bouche pour se nourrir d'air. Bien loin de se rassasier, il se dessèche davantage, parce que l'air n'est pas son aliment. De même encore l'âme ne trouve que fatigue et tourment dans la satisfaction de ses convoitises, dans l'ardeur de ses désirs, dit Jérémie, elle a aspiré le vent de ses amours, Jérémie 2, 24. Et pour expliquer la sécheresse à laquelle s'expose cette âme, le prophète ajoute plus loin, garde ton pied, c'est-à-dire ta pensée, de la nudité, et ton gosier de la soif. Ibidem, 25. En d'autres termes, la cause de nos sécheresses, c'est l'acte de notre volonté qui se porte à l'accomplissement de ses désirs. L'homme vint s'épuiser se leurre par ses propres espérances, ainsi en est. Il de l'âme en quête d'assouvir ses appétits, elle ne fait qu'augmenter sa faim et sa convoitise, comme on le dit vulgairement, l'appétit est semblable au feu, jetez-y du bois, il croît en proportion et diminue aussitôt qu'il l'a consumé, et, croyez-moi, les passions sont encore d'une condition plus triste, en ce sens que le bois se consume à mesure que le feu diminue. Mais les passions, une fois éveillées, ne s'affaiblissent pas avec l'aliment propre à leur activité, loin de s'éteindre comme le feu qui ne trouve plus de matière combustible, leur ardeur s'épuise et se fatigue en désirs d'autant plus inutiles que d'un côté leur faim augmente, et que de l'autre leur nourriture a diminué. Isaïe dit à ce propos, il ira à droite et il aura faim, il ira à gauche et il ne sera pas rassasié. Isaïe 9, 20. Ceux qui ne mortifient pas leur passion sont à bon droit torturés par la faim, quand ils se détournent du chemin de Dieu qui est la droite, car ils ne méritent pas le rassasiement de l'esprit de suavité, et quand ils vont chercher à gauche leur aliment, c'est-à-dire quand ils contentent leurs appétits dans la créature, il est juste qu'ils ne soient pas rassasiés, parce que, rejetant ce qui pouvait seul les satisfaire, ils se nourrissent de ce qui augmente leur faim. Ce chapitre nous démontre clairement, il me semble, que les passions sont pour l'âme une cause de fatigue et de lassitude. Chapitre 7. Comment les appétits tourmentent l'âme, on le prouve à la fois par des comparaisons et par des textes tirés de la Sainte Écriture. Les appétits de l'âme lui causent un second tort positif, qui consiste à la tourmenter, à l'affliger et à la rendre semblable à une personne chargée de chaînes, et privée de tout repos jusqu'à son entière délivrance. Nous lisons dans les psaumes, les liens de mes péchés, c'est-à-dire des appétits déréglés, m'ont enlacé de toutes parts, citation, 118, 61. Qui ne serait blessé et ne souffrirait si, dépouillé de ses vêtements, il s'étendait sur des épines et des points aigus. Or l'âme livrée à ses passions éprouve les mêmes tourments, parce que ses appétits la piquent, la blessent et la torturent comme des épines. David dit à ce propos, « Elles m'ont enveloppé comme des abeilles, et se sont embrasées comme le feu qu'on met aux épines. » Psaume 117, 12. En effet, le feu de l'angoisse et de la douleur se ravive au milieu des épines des passions. De même que le laboureur, en vue de sa récolte, excite et tourmente le bœuf qui est sous le joug. Ainsi la concupiscence afflige l'âme assujettie au joug de ses appétits mauvais, pour en obtenir ce qu'elle convoite. Le désir qu'avait Dalila de connaître le secret de la force de Samson est une preuve de cette vérité. La Sainte Écriture nous dit qu'elle en était préoccupée et tourmentée jusqu'à la défaillance. Son âme défaillit et tomba dans une lassitude mortelle. Judith, 16, 16. Plus le désir est intense, plus il devient une torture pour l'âme, en sorte qu'elle a autant de tyrans que de passions. On voit alors des sept vices accomplir cette sentence de l'Apocalypse. La mesure de sa vaine gloire et de ses délices est celle de son tourment et de sa peine. Apocalypse 18, 7. L'âme captivée par ses appétits endure encore une douleur et un supplice comparable à ceux d'une personne tombée entre les mains de ses ennemis. Le fort Samson nous en offre un frappant exemple. Il était juge d'Israël, célèbre par sa valeur, et jouissait d'une grande liberté. Ses ennemis l'ayant fait tomber en leur pouvoir, lui enlevèrent sa force, lui crevèrent les yeux, le contraignirent à tourner la meule d'un moulin, et lui infligèrent les plus cruelles tortures. Telle est la condition de l'âme chez qui ses ennemis, c'est-à-dire ses passions, demeurent vivants et victorieux. Il lui cause un premier mal qui est de l'affaiblir et de l'aveugler, comme nous l'expliquerons plus loin, puis il la tourmente et l'afflige, en l'attachant à la meule de la concupiscence, et les liens dont il l'étreigne ne sont autres que ses passions elles-mêmes. Dieu, touché de compassion pour les âmes qui cherchent si péniblement à satisfaire dans les créatures la faim et la soif de leurs appétits, leur dit par Isaïe, « Vous tous qui avez soif, venez aux sources, vous qui n'avez pas d'argent, c'est à dire de volonté propre, hâtez-vous, achetez et mangez, venez, et sans argent, ni aucun échange, comme vous êtes obligés de le faire pour vos passions. Acheter le vin et le lait, à savoir la paix et la douceur spirituelle, pourquoi dépenser votre argent aux choses qui ne sont pas du pain, c'est-à-dire qui ne sont pas l'esprit divin? Pourquoi prendre peine à ceux qui ne peuvent vous rassasier? Prêtez l'oreille, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, et votre âme engraissée sera dans la joie. Citation, Isaïe, 55, 1, 2. Pour parvenir à cette plénitude, il faut s'affranchir du goût de toutes les choses créées, puisque le créé engendre le tourment, et que l'Esprit de Dieu produit la joie. Le Seigneur nous y invite dans ce passage de Saint Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, affligés et chargés du poids de vos sollicitudes et de vos désirs, sortez-en pour venir à moi, et je vous réjouirai. » In Matthieu 11, 28. Et votre âme trouvera un repos que vos passions, dont le fardeau est lourd à porter, lui enlèvent. Elles se sont appesanties sur moi comme un poids écrasant, a dit le roi prophète. Citation, Psaume 37, 5. Chapitre 8. Comment les appétits obscurcissent l'âme? Témoignage et comparaison de la Sainte Écriture à l'appui de cette doctrine. L'âme est aveuglée et plongée dans les ténèbres par suite d'un troisième dommage que lui cause ses passions. De même que les vapeurs obscurcissent l'air et interceptent les rayons du soleil, ou qu'un miroir terni ne peut réfléchir nettement l'image qui lui est présentée. De même que l'eau troublée par la vase ne saurait reproduire distinctement les traits du visage qui s'y regarde, ainsi l'âme dont l'entendement est captivé par les passions se trouve obscurcie, et ne laisse pas au soleil de la raison naturelle, ni au soleil surnaturel, qui est la sagesse divine, la liberté de la pénétrer et de l'illuminer de ses splendeurs. Le prophète royal dit en ce sens, mes iniquités m'ont enveloppé, et je suis devenu incapable de voir. Citation du psaume 39, 13. Lorsque l'entendement est enseveli dans les ténèbres, la volonté languit, et la mémoire s'engourdit. Or, comme toutes les puissances dépendent dans leurs opérations de cette faculté première, celle-ci étant une fois aveuglée, les autres tombent nécessairement dans le trouble et dans le désordre. David ajoute, « Mon âme est grandement troublée », psaume 6, 4. En d'autres termes, ses puissances sont désordonnées. Dans cet état, l'entendement, comme nous le disions, n'est plus apte à recevoir l'illumination de la sagesse divine, de même que l'air chargé de vapeurs ténébreuses est incapable de recevoir la lumière du soleil. La volonté est impuissante à étreindre Dieu d'un amour pur, de même que le miroir terni ne peut refléter clairement l'image qui lui est offerte. Enfin la mémoire, obscurcie par les ténèbres de l'appétit déréglé, ne peut se pénétrer paisiblement du souvenir de Dieu, pas plus que l'eau vaseuse ne saurait reproduire avec netteté le visage de celui qui s'y regarde. La passion aveuglée obscurcit encore l'âme, puisque, en tant que passion, elle est aveugle et ne reconnaît pas la raison, qui est le guide toujours assuré de l'âme dans ses opérations. Aussi, toutes les fois que celle-ci cède aux tendances de la nature, elle ressemble à celui qui, jouissant de la vue, se laisse conduire par celui qui en est privé. Ce sont alors deux aveugles. Et la parole de notre Seigneur en Saint Matthieu trouve ici une exacte application. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. Saint Matthieu 15, 14. Dites-moi, je vous prie, à quoi servent aux papillons ses yeux? Lorsqu'éblouis par l'éclat de la lumière, ils se précipitent vers la flamme. Le poisson fasciné, lui aussi, par la torche qu'on lui présente, et d'où résultent pour lui des ténèbres qui cachent les filets tendus par le pécheur, est également une image fidèle de l'homme livré à ses passions. C'est ce qu'explique fort bien le prophète dans un de ses psaumes, quand il dit « Le feu est tombé d'en haut sur eux, et ils n'ont plus vu le soleil », psaume 57. La passion est vraiment un feu dont la chaleur échauffe et dont la lumière fascine, c'est l'effet qu'elle produit dans l'âme, elle allume la concupiscence et éblouit l'entendement, de manière à lui cacher la lumière qui lui est propre. L'éblouissement est le résultat d'une lumière étrangère placée devant les yeux. La puissance visuelle reçoit alors la lumière interposée et ne voit plus celle qui lui est dérobée. Ainsi la passion serre l'âme de si près et s'impose à ses regards si impérieusement, que l'âme infortunée s'arrête à cette première lumière, s'en nourrit, et par là se prive de la véritable lumière de l'entendement dont elle ne pourra plus jouir, jusqu'à ce que l'éblouissement de la passion ait disparu. L'ignorance de certaines personnes sur ce point est un sujet de larmes amères. On les voit se charger de pénitences excessives, et d'une foule de pratiques extraordinaires, que j'appelle arbitraires. Elles mettent là toute leur confiance, et s'imaginent que cela seul leur suffira pour parvenir à l'union de la sagesse divine, sans la mortification de leurs appétits désordonnés. Leur erreur est manifeste, jamais elles n'atteindront leur but de la sorte, et sans faire des efforts constants pour triompher de leurs inclinations. Ah, si elles voulaient employer à se renoncer la moitié seulement du soin qu'elles apportent à ce travail, en un mois elles profiteraient bien plus qu'après de nombreuses années passées dans la pratique de tous les autres exercices. De même qu'il est indispensable de labourer la terre, si on veut la faire fructifier et l'empêcher de produire de mauvaises herbes, ainsi la mortification des appétits est nécessaire à l'âme. Si elle veut progresser dans la vertu, de tout ce qu'elle entreprendrait hors de là pour avancer dans la connaissance de Dieu et de soi-même, rien, j'ose le dire, ne lui profiterait, pas plus que ne germerait la semence jetée sur une terre sans culture. Par conséquent, les ténèbres et l'impuissance seront son partage jusqu'à l'anéantissement de ses désirs déréglés, ainsi l'œil atteint de la cataracte, ou que gêne un grain de poussière, ne pourra voir jusqu'à ce qu'on lui ait retiré cet obstacle. David, considérant d'une part quel est l'aveuglement de ces personnes, quel empêchement leurs passions immortifiées apportent à la lumière de la vérité, et de l'autre combien Dieu est irrité contre elle, leur adresse ces paroles, « Avant que vos épines, qui sont vos appétits, ne soient devenus un buisson épais, qui vous dérobe la vue de Dieu, le Seigneur agissant avec vous comme il fait avec les vivants, auxquels il coupe bien souvent le fil de l'existence au milieu de son cours, le Seigneur vous engloutira dans sa colère. » Psaume 57, 10. Dieu détruira ainsi dans sa colère les passions que les âmes conservent vivantes en elles et qui sont un obstacle à sa propre connaissance. Il les détruira, soit en cette vie par les souffrances et les tribulations qu'il envoie aux hommes pour les détacher de leurs attraits sensibles, soit encore au moyen des exercices de la mortification. Soit enfin dans l'autre monde par les peines expiatrices du purgatoire. Grâce à ces secours, l'obstacle qui s'interposait entre Dieu et nous disparaît, c'est-à-dire, que la fausse lumière de la concupiscence qui nous éblouissait et nous empêchait de le connaître est éteinte. En même temps, la vue de l'intelligence s'éclaircit, et nous pouvons constater alors les ruines et les dégâts que les appétits ont laissés derrière eux. Au contraire, tant que l'on conserve en soi une affection ou une passion quelconque, on doit craindre de tomber peu à peu dans l'aveuglement, ou dans un état plus déplorable encore, car on ne peut se prévaloir ni de l'excellence de son entendement, ni des autres dons qu'on a reçus d'en haut. Aussi les hommes savaient de quelle divine lumière les prive ces ténèbres causées par leurs mauvais penchants et leurs affections déréglées, à combien de périls et de maux s'exposent-ils chaque jour en ne les mortifiant point. Aurait-on jamais pu croire qu'un personnage aussi accompli, aussi sage et aussi comblé des faveurs du ciel que l'était Salomon, dût dans sa vieillesse tomber dans un tel égarement, et une perversité de volonté si grande, qu'il élèverait des autels à un nombre prodigieux d'idoles et les adorerait? 3 Règles, 11, 4. Que lui a-t-il fallu pour faire une chute si grave? Il lui a suffi d'une affection mal réglée, et de sa négligence à réprimer ses inclinations vicieuses. En parlant de lui-même, Salomon avoue, dans l'Ecclésiaste, n'avoir rien refusé à son cœur de ce qu'il désirait, citation 11,10. Et si, à la vérité, dans le principe, il se conduisit avec prudence, plus tard, pour n'avoir pas renoncé à ses passions, mais s'y être livré sans retenue, il arriva peu à peu à être aveuglé et obscurci dans son entendement, au point qu'on vit s'éteindre en lui cette grande lumière de sagesse dont Dieu l'avait favorisé, et ainsi, il abandonna le Seigneur dans sa vieillesse. Si les passions immortifiées eurent un tel empire sur ce grand monarque, si versé dans la science du bien et du mal, que ne pourront-elles pas sur nous, pauvres ignorants que nous sommes, si nous négligeons de les réprimer, ne pouvons-nous pas, dans ce sens, être comparés aux Ninivites, dont le Seigneur disait au prophète Jonas, « Ils ne savent pas discerner leur main droite d'avec leur main gauche », Jonas 4, 2. À chaque pas ne prenons-nous pas le mal pour le bien, et réciproquement ce qui est le fruit de notre propre fond rempli d'imperfection. Que sera-ce donc si la passion ajoute ses ténèbres à notre ignorance naturelle? Ne serons-nous pas de ceux dont Isaïe se plaint en s'adressant aux hommes qui se plaisent à satisfaire leurs appétits? Nous allons comme des aveugles le long des murailles. Nous marchons à tâtons comme si nous n'avions point Dieu et notre aveuglement est arrivé à ce point que nous nous heurtons en plein midi comme si nous étions dans les ténèbres. Isaïe 59, 10. Tel est, en effet, l'état de celui qui est aveuglé par ses passions. Placé en face de la vérité et du devoir, il est aussi incapable de discerner l'une ou de se soumettre à l'autre, que s'il était plongé dans l'obscurité la plus profonde. Chapitre 9. Comment les passions souillent l'âme? On le prouve par des témoignages et des comparaisons de la Sainte Écriture. Il est un quatrième dommage que les passions apportent à l'âme, elles la ternissent et la souillent, selon l'enseignement de l'Ecclésiastique, celui qui touche la poix en sera souillé, citation, Ecclésiaste 13, 1. Or, toucher de la poix, c'est laisser aller sa volonté au désir de la créature, observons-le bien, si le texte du sage compare les créatures à la poix, c'est qu'en effet il y a plus de différence entre la perfection qu'une âme peut atteindre, et toutes les créatures, si excellentes qu'elles puissent être, qu'il n'en existe entre la poix et un diamant de la plus belle eau, ou un lingot de l'or le plus fin, jeter un diamant ou de l'or dans la poix bouillante, ils en seront aussitôt enduits et souillés en proportion du degré de sa chaleur, c'est ainsi que l'âme, dans l'ardeur de la passion qu'il apporte vers quelque créature, se couvre de taches et de souillures. Il existe encore entre l'âme et les créatures une plus grande différence qu'entre la liqueur la plus limpide et l'eau la plus fangeuse, cette liqueur se troublerait à coup sûr, si on la mélangeait avec cette eau. De même l'âme qui met son affection dans la créature contracte une souillure en s'assimilant à elle. Les traits d'un visage d'une beauté pure et régulière s'effacent sous une noire poussière, ainsi l'âme, qui est une image très parfaite et très achevée de Dieu, et défigurée par les appétits désordonnés qu'elle conserve. Jérémie, traçant d'abord une peinture de sa beauté première, déplore ensuite la dégradation et la laideur que les affections déréglées ont causées en elle. Ses cheveux, dit-il, étaient plus blancs que la neige, plus resplendissants que le lait, plus dorés que l'ancien ivoire, et plus beaux que le saphir. Maintenant son visage est devenu plus noir que le charbon, et on ne la reconnaît plus sur la place publique. Citation, des Lamentations 4, 7, 8. Par les cheveux, on entend les affections et les pensées de l'âme qui sont plus blanches que la neige, plus pures que le lait, plus dorées que l'ancien ivoire et plus belles que le saphir, lorsqu'elles sont conformes à la volonté divine. Ces quatre qualités représentent la beauté et l'excellence de toutes les créatures corporelles, mais l'âme et ses opérations leur sont de beaucoup supérieures. C'est pourquoi elle est comparée ici aux Nazaréens, ou aux cheveux qui sont l'ornement de la tête. Quand ces actes sont déréglés et tournés vers une fin contraire à la loi de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'elle est absorbée dans les créatures, Jérémie assure que son visage devient plus noir que le charbon, les appétits font ses ravages, et de bien plus considérables encore, sur la beauté intérieure de l'âme. À tel point, que si nous avions à traiter expressément de la laideur et de la souillure qui lui font contracter, nous ne saurions pas trouver de terme assez fort, et il n'y aurait dans la nature rien d'assez abominable. Point de reptile assez repoussant, à qui nous puissions les comparer. L'âme déréglée reste, il est vrai, quant à sa substance et à sa nature, aussi parfaite qu'au moment où Dieu l'a tirée du néant, néanmoins, dans la portion raisonnable de son être, elle devient laide, obscure, souillée, en proie à tous les maux que nous venons d'énumérer, et à un grand nombre d'autres encore. Remarquez qu'une seule de ces inclinations désordonnées, bien qu'il n'y ait pas matière à péché mortel, suffit pour souiller l'âme, l'enlaidir, et la rendre incapable de parvenir à l'union parfaite avec Dieu. Quelle ne sera donc pas la laideur d'une âme envahie tout entière par ses passions déréglées, et livrée à tous ses appétits mauvais, et combien ne sera-t-elle pas éloignée de la pureté de Dieu? La langue ne peut dire ni l'intelligence concevoir la multiplicité des impuretés que les divers appétits accumulent dans l'âme. S'il était possible de le faire comprendre, ce serait un spectacle étrange et digne de compassion que de voir chaque inclination apposer sur l'âme l'empreinte de son cachet, et imprimer sa souillure et sa laideur propre, chacune selon son espèce et selon son degré d'intensité. L'âme du juste possède en une seule perfection, qui est la justice, un grand nombre de sublimes vertus et de dons précieux, qui ont chacun leur charme particulier, selon le nombre et la diversité des élans d'amour qui la portent vers Dieu. Au contraire, l'âme déréglée possède en elle une lamentable variété de souillure et de bassesse, en rapport avec la multiplicité des inclinations qui la poussent vers les créatures. Ézéchiel nous en offre une image quand il dit que Dieu lui montra, peinte sur les murs intérieurs du temple, toutes les figures des reptiles qui rampent sur la terre, ainsi que toutes les abominations des animaux impurs. Ézéchiel 8, 10. Dieu dit au prophète, « Ézéchiel, fils de l'homme, n'as-tu pas vu les abominations qu'ils commettent ? Chacun dans le secret de sa demeure et le Seigneur lui commanda ensuite de pénétrer plus loin, afin d'être le témoin de crimes plus grands encore. Ézéchiel aperçut alors, des femmes assises pleurant le Dieu de leurs amours, Adonis, Ibidem, 14. Ézéchiel enfin le Seigneur lui ordonnant d'avancer toujours, le prophète vit, 25 vieillards qui tournaient le dos au temple, Ibidem, 16. Ézéchiel ses différents reptiles et ses animaux immondes, peints dans la première partie du temple, ce sont les idées que l'esprit se fait des choses les plus basses de ce monde, et en général de toutes les créatures. Or, comme ces choses sont l'opposé des biens éternels, elles souillent le sanctuaire de l'âme et encombrent son entendement, qui est le portique du temple. Ces femmes assises plus loin et plus avant dans l'intérieur, pleurant le dieu Adonis, représentent les passions qui ont leur siège dans la seconde puissance de l'âme, la volonté. Leurs larmes expriment ces désirs auxquels la volonté demeure attachée, c'est-à-dire ces reptiles dont l'entendement porte déjà l'image. Enfin, les vieillards sont le symbole des imaginations et des fantômes des créatures que la mémoire, cette troisième puissance de l'âme, garde en soi et repasse sans cesse dans son souvenir. Il est dit qu'ils avaient les épaules tournées contre le temple, parce que l'âme, dont les puissances sont volontairement et résolument dirigées vers quelque chose de créé, tourne pour ainsi dire le dos au temple de Dieu, c'est-à-dire à la droite raison, qui n'admet, vis-à-vis de Dieu, la rivalité d'aucune créature. Ce que nous venons de dire suffit, pour le moment, à donner une faible idée de l'affreux désordre que les passions produisent dans l'âme. Ce sujet serait interminable s'il fallait expliquer en détail tous les divers empêchements qui s'opposent à l'union divine, et qui jaillissent de la source de nos imperfections, s'il fallait parler du tort beaucoup plus considérable que causent les péchés véniels, et enfin de l'horrible difformité qu'amènent les excès du péché mortel, qui met le comble à la dégradation de l'âme. Je me contente de dire, et cela vient à propos dans notre sujet, qu'une attache quelconque, lors même qu'elle porterait sur la plus petite imperfection, obscurcit l'âme et fait obstacle à sa parfaite union avec Dieu. Chapitre 10. Les passions attiédissent l'âme et l'affaiblissent dans la vertu, comparaison puisée dans les divines écritures. Les passions rendent l'âme tiède et languissante. Elle paralyse en elle la force d'avancer dans la vertu et d'y persévérer, tel est le cinquième dommage qu'elle lui cause. En effet, l'activité du désir est-elle partagée, sa vigueur devient moindre que si elle se concentrait tout entière sur un seul point. Plus elle embrasse d'objets, moins elle a d'intensité pour chacun d'eux. Ainsi se vérifie cet axiome de philosophie. La force qui est une a plus de puissance que la force qui est divisée. Par conséquent, si la volonté dépense son énergie sur quelque chose en dehors de la vertu, nécessairement elle se portera plus faiblement à cette dernière. L'âme dont la volonté s'égare sur des riens, ressemble à un jet d'eau qui, trouvant une issue pour s'écouler en bas, ne remonte pas vers les hauteurs, et perd ainsi en partie son utilité. Le patriarche Jacob compare son fils Ruben à une eau répandue, parce qu'il avait donné cours à ses passions en commettant un péché secret. Tu l'es répandue comme l'eau, tu ne croîtras pas. Genèse 49, 4. Cela signifie, parce que tu as suivi tes désirs comme l'eau qui s'écoule, tu ne croîtras pas en vertu. Si l'on découvre un vase d'eau chaude, celle-ci perd facilement sa chaleur. Les essences aromatiques qu'on expose à l'air évaporent peu à peu leur bonne odeur et la force de leur parfum. Ainsi l'âme qui ne concentre pas ses affections uniquement en Dieu, perd l'ardeur et la vigueur de sa vertu. David avait une parfaite intelligence de cette vérité lorsqu'il s'adressait au Seigneur en ces termes. Je conserverai toute ma force pour vous. Psaume 58, 1. C'est-à-dire, je rassemblerai pour vous seule la force de mes affections. Les passions affaiblissent la vertu dans l'âme, comme les rejetons qui croissent autour de l'arbre lui enlèvent sa sève, et l'empêchent par là de porter des fruits abondants. Le Seigneur dit dans le Saint-Évangile, « Malheur aux femmes qui seront enceintes ou nourrices en ce temps-là » Matthieu 24, 19. Telle est la figure des passions immortifiées qui épuisent peu à peu la vertu de l'âme, et se développent à son détriment, comme font les rejetons au grand dommage de l'arbre. Aussi notre Seigneur nous donne-t-il ce conseil salutaire. Que vos reins soient sains, Luc 12, 35. Les reins signifient les passions, véritables sangsues, qui sucent le sang des veines. C'est le nom que leur donne le sage lorsqu'il dit « La sangsue a deux filles qui s'écrient toujours, apporte, apporte » Proverbe 30, 15. Dans ce sens les passions sont les filles des sangsues, puisqu'elles disent toujours « Donne, donne ». Évidemment elles ne sauraient procurer à l'âme aucun bien, mais, au contraire, elles lui enlèvent celui qu'elles possédaient. Si on ne les mortifie pas, elles ne s'arrêteront pas qu'elles n'aient fait à l'âme ce que font à leur mère les vipéraux qui la rongent et la tuent, à mesure qu'ils grandissent en son sein, conservant ainsi leur propre vie aux dépens de la sienne. Les appétits qu'on ne mortifie point arrivent donc à cette dernière extrémité de tuer en l'âme la vie divine, en sorte que la seule chose qui vive en elle, ce sont précisément ces appétits qu'elle aurait dû détruire. L'ecclésiastique dit avec raison, « Éloignez de moi la concupiscence de la chair », citation 23, 6. Lors même que les appétits n'arriveraient pas à cet excès, il est déplorable néanmoins de voir la servitude de cette pauvre âme, et combien elle est malheureuse en elle-même, désagréable au prochain. Tiède et languissante dans le service divin, l'affection des créatures rend l'âme triste et pesante dans le sentier de la vertu, et produit en elle des effets plus funestes que ceux de cette humeur maligne, qui accompagne certaines maladies, et affaiblit le malade au point de l'empêcher de faire un pas, et de lui inspirer un profond dégoût de toute nourriture, ce qui entrave le plus ordinairement, chez un grand nombre d'âmes, le zèle et le désir de pratiquer la vertu. C'est qu'elles veulent conserver des affections et des inclinations qui n'ont pas Dieu seul pour objet. Chapitre 11. Nécessité absolue de réprimer, jusqu'à la moindre de ses passions, pour parvenir à l'union divine. Il me semble que le lecteur est impatient de me demander si, pour atteindre à ce haut état de perfection, il faut avoir réprimé totalement ses passions, grandes et petites, ou s'il ne suffirait pas d'en mortifier quelques-unes, sans s'occuper des moins importantes, car on n'ignore pas combien ces choses pénibles et difficiles pour l'âme que d'atteindre à un degré de dépouillement si complet, à une pureté si grande, qu'elle n'ait plus ni volonté ni affection pour quoi que ce soit. Je réponds premièrement qu'à la vérité toutes les passions ne sont pas aussi préjudiciables les unes que les autres, et n'entravent pas l'âme à un même degré. Je veux parler du moins de celles auxquelles la volonté prend part. Quant aux appétits irréfléchis de la nature, l'empêchement qu'ils apportent à l'union de l'âme est faible, et parfois nul, pourvu cependant qu'elle ne donne pas son adhésion à ses premiers mouvements. J'entends ici par appétits irréfléchis de la nature et premiers mouvements, tous ceux où la volonté raisonnable ne prend aucune part, ni avant, ni après l'acte, il est impossible de les mortifier entièrement et de les faire disparaître en cette vie. D'ailleurs, ils ne forment pas un obstacle invincible à l'union divine, il peut très bien se faire qu'ils subsistent dans la partie inférieure de l'âme, et qu'elle en soit très dégagée dans sa partie supérieure. Ne voit-on pas souvent des âmes qui, par la volonté, sont élevés à une très haute union de quiétude, tandis que leurs instincts s'agitent dans la partie sensitive, sans troubler la partie supérieure qui n'y prend aucune part? Quant aux autres appétits volontaires, l'âme doit s'en purifier et s'en dégager complètement, non seulement des plus graves qu'il apporte au péché mortel, mais encore des moindres qu'il induise au péché véniel, et même des plus légers qui la font tomber dans mille imperfections, en vain. Sans cela, prétendrait-elle arrivera son entière transformation en Dieu? En effet, cette union consiste précisément dans la perte totale de la volonté humaine en la volonté divine, de manière que celle-ci soit toujours et partout son unique mobile. Il n'y a plus alors dans l'âme qu'une seule volonté, qui est celle de Dieu. Or, supposez que les désirs de cette âme se portent sur une imperfection, évidemment Dieu ne pouvant l'admettre, de là naîtra une divergence profonde. Puisque l'âme met sa volonté est là où Dieu ne place pas la sienne, pour s'unir par la volonté et par l'amour à son souverain bien-aimé, l'âme doit donc renoncer d'abord à tout appétit volontaire, si minime qu'il soit, c'est-à-dire que, sciemment et avec pleine connaissance de cause, elle ne doit consentir à aucune imperfection. Il lui faut même arriver à un état de liberté et de possession d'elle-même assez complet, pour réprimer les premiers mouvements dès qu'ils se présentent, je dis sciemment, car elle tombera bien souvent, par surprise, dans des imperfections et des fautes véniels, sans qu'il soit entièrement en son pouvoir d'échapper aux déplorables tendances des appétits naturels dont nous nous avons parlé. Il est écrit de ces péchés, où la volonté a une si faible part, que le juste tombera 7 fois par jour et se relèvera. Citation, Proverbe, 24, 16. Quant aux appétits délibérés et entièrement réfléchis, lors même qu'ils se porteraient sur un objet de peu d'importance, ils deviennent indubitablement un obstacle à l'union de l'âme avec Dieu. J'entends parler ici d'une habitude et non de quelques actes passagers, qui ne sauraient causer des ravages aussi considérables. Néanmoins, il faut travailler énergiquement à les exterminer, puisqu'ils procèdent d'une imperfection bien déterminée. Mais certains défauts dont on n'achève jamais de se corriger, voilà ce qui arrête les progrès spirituels et forme une barrière invincible à l'union divine. Ces défauts seront, par exemple, la coutume de trop parler, une petite attache dont on ne veut pas se défaire entièrement, soit pour une personne, un vêtement, un livre, une cellule, soit pour tel genre de nourriture, ou encore de petites industries pour satisfaire sa sensualité en cherchant à savoir des nouvelles, à écouter curieusement les conversations, etc., etc. Les chutes réitérées dans une de ces imperfections, ou dans toute autre semblable, s'opposent davantage à l'avancement dans la vertu, qu'une foule de faiblesses, même plus graves, fussent-elles journalières, mais qui n'auraient pas leur principe dans une attache persistante. Croyez-vous que cette âme ainsi liée par quelque affection pourra atteindre le sommet de la perfection? Non, jamais. Bien que l'obstacle soit très faible en lui-même, qu'importe à l'oiseau d'être attaché par un léger fil ou par un lien plus fort? À la vérité, plus le fil est léger, plus il est facile à rompre, mais si fragile qu'il soit, l'oiseau sera néanmoins toujours retenu par lui, tant qu'il ne le brisera pas pour prendre son essor. Tel est le sort malheureux de l'âme captivée par une affection quelconque, jamais elle ne parviendra à la liberté de l'union divine, si éclatante que soient d'ailleurs ses vertus. Les passions ont encore, relativement à l'âme, la même propriété qu'à, par rapport au vaisseau auquel il s'attache, le poisson appelé rémora. Malgré sa petitesse, il l'arrête, dit-on, dans sa marche. Oh qu'il est regrettable de voir certaines âmes, semblables à des navires richement chargés de bonnes œuvres, d'exercices spirituels, de vertu et de faveur céleste, de les voir, dis-je, manquer de courage pour se vaincre complètement de petites satisfactions, en des bagatelles, et pour cette raison, échouer au port de l'union parfaite, tandis qu'un effort courageux eût suffi pour rompre tout à fait le fil de cet attachement, et enlever cette rémora de l'appétit déréglé, après que Dieu leur a fait la grâce de briser d'autres liens beaucoup plus forts, c'est-à-dire ceux des affections au péché et aux vanités du monde. N'est-il pas en vérité bien déplorable qu'elle n'ait pas la générosité de sacrifier une chose de néant, un simple fil que le Seigneur leur laisse à rompre pour son amour, et qui arrête cependant leur ascension sur la sainte montagne, et les prive du don ineffable de lui-même? Non seulement cette légère attache s'oppose à leur progrès, mais, ce qui est plus malheureux encore, elle leur fait perdre le peu qu'elles avaient acquis avec tant de travail, car on n'ignore pas que, dans le chemin de la perfection, ne pas avancer par une continuelle victoire sur soi-même, c'est reculer, et ne pas gagner, c'est perdre. Notre Seigneur a voulu nous donner l'intelligence de cette doctrine par ses paroles, « Celui qui n'amasse point avec moi dissipe. » Matthieu 12, 30, 1. Il suffit de négliger la moindre fente d'un vase, pour que toute la liqueur qu'il renferme s'échappe et se perde. Celui qui méprisera les plus petites choses tombera peu à peu dans les grandes, dit l'Ecclésiastique, citation 19, 1. Le même livre nous apprend que c'est assez d'une étincelle pour allumer un incendie, ainsi il suffit d'une imperfection pour en attirer une autre, et celle, si d'autres encore. Rarement une passion subsistera seule dans un cœur négligent à la surmonter. Elle sera toujours accompagnée de plusieurs autres qui dérivent de la première. J'ai rencontré maintes fois des personnes à qui Dieu avait fait la grâce d'avancer rapidement dans la voie du détachement et de la vraie liberté d'esprit, et qui, sous le spécieux prétexte d'amitié, de convenance ou de quelque autre bien, conservaient leur volonté assujettie à une faible attache, et perdaient ainsi peu à peu l'esprit de la sainte solitude, le goût des choses de Dieu, la joie et la constance dans les exercices spirituels. Enfin elles se précipitaient dans une ruine totale, faute de s'être abstenues, dès le principe, de cette attache ou de ce goût sensible, et de n'avoir pas su garder leur cœur pour Dieu seul. Dans ce chemin il faut absolument marcher sans s'arrêter, si l'on veut parvenir au but, c'est-à-dire, qu'il faut détruire toutes ces attaches, sans exception aucune, ou renoncer à l'espérance d'arriver au terme. Le bois ne se transformera pas en feu, s'il manque à sa disposition un seul degré de chaleur. De même une seule imperfection empêchera la parfaite transformation de l'âme en Dieu. Comme nous l'expliquerons plus tard dans la nuit de la foi, l'âme n'a qu'une volonté, or, en inclinant vers le Cré, elle lui fait perdre la liberté, la force et la pureté indispensables à sa transformation divine. Au livre des Juges, il est écrit que l'ange vint reprocher aux enfants d'Israël de n'avoir pas exterminé entièrement leurs ennemis, mais d'avoir fait alliance avec plusieurs d'entre eux. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je ne les détruirai pas de devant votre face, afin qu'ils demeurent vos ennemis et que leur Dieu vous soit une occasion de ruine. Judith 2, 3. Dieu tient avec justice la même conduite envers certaines âmes, il les a tirées de l'Égypte du monde, il a tué les géants de leurs péchés, exterminé la multitude de leurs ennemis, qui sont les occasions dangereuses qu'elles rencontraient dans le siècle, afin de leur faciliter l'accès de cette terre promise de l'union divine, mais, loin de répondre à tant de prévenances du Seigneur, elles vivent avec négligence et lâcheté. Elles s'engagent dans des amitiés humaines et font alliance avec le menu peuple des imperfections, au lieu de l'exterminer sans pitié. À la vue d'une telle ingratitude, la souveraine majesté s'irrite et laisse tomber dans des fautes dont la gravité augmente à proportion de leur nombre. Le livre de Josué nous en offre également un exemple. Au moment de prendre possession de la terre promise, le Seigneur ordonna aux Israélites de détruire tous les êtres vivants de la ville de Jéricho, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, et aussi tous les animaux. Il leur enjoignit encore de n'emporter aucune dépouille et même de ne pas les convoiter. S'étant emparés de la ville, ils livrèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, même les bœufs, les brebis et les ânes, par le tranchant de l'épée. Josué 6:21. Cet ordre nous apprend que, pour parvenir à la consommation de l'union divine, tout ce qui est vide de nature dans l'âme, doit être immolé sans aucune réserve. Il faut enfin que le cœur, libre de toute convoitise à l'égard des créatures, s'en tienne aussi dégagé que si elle lui était complètement étrangère. Saint Paul écrivant aux Corinthiens nous donne la même leçon. Voici donc, mes frères, ce que je vous dis, le temps est court, la seule chose qui reste à faire, c'est que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant point, et ceux qui pleurent, sur la perte des choses de ce monde, comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant point, et ceux qui achètent, comme ne possédant point, et enfin ceux qui usent de ce monde, comme n'en usant point. Citation 1, Corinthiens 29, 30, 31. Ces paroles de l'apôtre nous démontrent la nécessité de garder notre âme pure de toute attache, si nous voulons qu'elle s'élève librement à Dieu. Chapitre 12. Réponse à la seconde demande, quelles passions suffisent pour causer à l'âme les dommages dont nous nous avons parlé? Nous pourrions nous étendre longuement sur cette matière de la nuit des sens, car il y aurait beaucoup à dire sur les préjudices que les passions portent à l'âme, non seulement des différentes manières expliquées plus haut, mais encore sous bien d'autres points de vue. Toutefois, par rapport au but que nous nous sommes proposés, nous avons suffisamment développé ce sujet. Le lecteur doit avoir compris, il me semble, pourquoi la dénomination de nuit est donnée à la mortification des passions, puis aussi combien il importe de traverser cette nuit pour acquérir la perfection. Cependant, un doute pourrait s'élever sur ce qui a été dit, nous allons donc y répondre. Avant d'expliquer le moyen de pénétrer dans la nuit des sens, on peut se demander, en premier lieu, si une seule passion suffit pour produire en l'âme les deux sortes de dommages positifs et privatifs déjà mentionnés. En second lieu, si une passion quelconque, si minime qu'elle soit, est suffisante pour apporter à l'âme tous les cinq dommages à la fois, ou bien si chacune d'elles produit son ravage particulier, par exemple, l'une engendre-t-elle le tourment, une autre la fatigue, une troisième l'aveuglement, etc. Je réponds à la première question. Les appétits volontaires en matière de péché mortel peuvent seuls opérer, et opèrent en effet, ce mal extrême du dommage négatif, puisqu'ils ravissent à l'âme la grâce en cette vie et en l'autre la gloire, c'est-à-dire la possession même de Dieu. À la seconde question je réponds, chaque passion qui a pour objet le péché mortel, ou le péché véniel volontaire, ou encore les fautes considérées comme simples imperfections, suffit pour causer à la fois tous ces dommages positifs qui, à un certain point de vue, sont également privatifs. Nous les appelons ici positifs, parce qu'ils répondent à la pente de l'âme vers la créature, De même que le négatif répond à son éloignement de Dieu, mais remarquez la différence. Les appétits qui arrivent au péché mortel produisent un aveuglement complet, un tourment véritable, une souillure et une faiblesse absolue, etc. Leur existence implique nécessairement la mort de la grâce, et, par conséquent, la privation de cette même grâce augmente en nous, à mesure que leur domaine s'établit et s'agrandit. Ceux, au contraire, qui ne dépassent point le péché véniel, ou les imperfections volontaires, ne produisent pas cet excès de mal, ils engendrent ces maux en partie seulement, et dans un degré moindre, proportionné à la tiédeur et au relâchement qu'ils introduisent dans l'âme. Donc, plus grande sera sa tiédeur, plus elle verra augmenter ses tourments, son aveuglement et ses souillures. Mais si chaque passion amène avec elle tous les préjudices que nous nommons positifs, toutefois tel ou tel ravage est occasionné spécialement par tel ou tel appétit, d'où résultent tous les autres dommages. Quoique d'une manière indirecte, ainsi un appétit sensuel enfante à la vérité tous ses maux réunis, mais néanmoins son effet propre et principal est de souiller l'âme et le corps, un appétit d'avarice les produit également tout, mais il engendre directement et spécialement l'affliction, de même l'appétit de vaine gloire les fait naître tout, mais il cause principalement et immédiatement les ténèbres et l'aveuglement. Enfin, si la passion de la gourmandise engendre tous les maux, son principal résultat est de rendre languissant dans la vertu, et ainsi des autres. Si tous ces effets réunis sont, dans l'âme, le résultat d'un acte quelconque d'une passion volontaire, cela tient évidemment à l'opposition directe entre cet acte et ceux de la vertu contraire, comme la vertu produit la suavité, la paix et la consolation, la clarté, la pureté et la force. De même, la passion déréglée engendre le tourment, la fatigue et la lassitude, l'aveuglement, la souillure et la faiblesse. La pratique d'une seule vertu fait grandir et fortifie toutes les autres, ainsi, sous l'action d'un seul vice, tous les vices croissent, et multiplient dans l'âme leurs funestes effets. Sans doute, tous ces tristes résultats ne se manifestent pas à l'heure même où l'on satisfait la passion, parce que l'attrait séducteur ne permet pas de les apercevoir, mais leur mauvaise influence se fait sentir par la suite. Celui qui s'abandonne malheureusement à ses passions, sait par expérience que, dans le principe, la passion nous flattait par une apparence douce et agréable, et que c'est plus tard seulement que se font ressentir ses effets pleins d'amertume. Néanmoins, je n'ignore pas qu'il y a des personnes assez aveugles et assez endurcies pour ne pas éprouver ces effets, peu soucieuses de tendre vers Dieu. Elles ne se rendent pas compte des obstacles qui les en éloignent. Je n'entends point parler ici des appétits irréfléchis de la nature, ni des pensées qui ne dépassent pas le premier mouvement, ou des tentations non consenties. Toutes ces choses ne causent à l'âme aucun des torts déjà énumérés. Troublée et obsédée par ces tentations, la pauvre âme croit en être souillée et aveuglée, mais il n'en est rien, loin de là. Ces suggestions lui procurent occasionnellement les avantages contraires, en leur résistant, elle acquiert force, pureté, lumière, consolation et d'autres biens innombrables. Selon cette parole de notre Seigneur à saint Paul, la vertu se perfectionne dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Quant aux passions volontaires, elles causent à l'âme tous les maux dont nous nous avons parlé, et des plus considérables encore. C'est pourquoi le principal soin des maîtres dans la vie spirituelle doit être, dès le principe, de mortifier rigoureusement leurs disciples, En les privant de satisfaire aucun de leurs désirs, ils les affranchissent ainsi d'une servitude déplorable.